sommes de petites taupes aveugles sous la terre qui savent peu, voire rien du monde, mais nous continuons à apprendre. Voilà comment notre invité du jour nous perçoit myope. Si myope que cette myopie nous conduit à avoir une perception faussée de l'univers qui nous entoure et au premier chef du temps. Non content d'être le père de l'une des principales théories d'unification des forces, la gravitation quantique à boucle, il prend d'assaut dans son dernier livre cette notion du temps, mise à mal depuis un siècle, pour la déconstruire pas à pas et essayer de comprendre pourquoi notre perception en est faussée. Remettre en cause l'ordre du temps avec Carlo Rovelli. Tel est notre programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Carlo Rovelli. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes particulièrement honorés de vous recevoir en chair et en os à ce micro. Vous êtes physicien, historien des sciences, membre de l'Institut universitaire de France, directeur de recherche CNRS au Centre de physique théorique de Marseille-Lumini et cofondateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. On va en parler forcément un peu au cours de cette heure. Vous publiez donc chez Flammarion L'ordre du temps, un ouvrage dans lequel vous formalisez des réflexions qui vous habite, dites-vous, depuis le début de votre carrière de physicien. Alors justement, un mot pour commencer sur ce titre. Vous le tirez d'un philosophe présocratique qui vous est très cher, Anaximandre, vous en parlez abondamment. Et de ce texte d'Anaximandre, les choses se transforment l'une dans l'autre selon la nécessité et se rendent justice selon l'ordre du temps. Dites-nous un peu un mot de cette citation et de la raison pour laquelle vous l'avez choisi pour titre. Mais d'abord parce que j'ai un amour pour Anaximandre, j'ai écrit un livre sur Anaximandre il y a plusieurs années. C'est un personnage qui m'est très très cher. Et ensuite parce que cette fragment que vous venez de lire qui fait référence à l'ordre du temps, mais l'évolution dans le temps au cœur de ce que va devenir la science, parce que ce n'est pas encore la science, c'est le début, et met la réflexion sur qu'est-ce qu'est cet ordre du temps, sur la nature du temps au cœur de cette entreprise scientifique. Et cette réflexion est restée là, le long de tout le développement de la science. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, fondamental sur le monde, on reconsidère la structure de base, parce que c'est ça le savoir finalement. C'est pas seulement ajouter, c'est refonder continuellement et repenser les bases. Et on est encore là, on continue à repenser les bases, et mon travail en science a été en grande partie une réflexion sur la nature du temps, comment il faut le repenser pour pouvoir faire de la gravité quantique. Alors justement, cette question du temps, vous le dites, vous l'avez déclaré dans plusieurs entretiens, vous l'avez écrit aussi, ça fait très très longtemps que ces questions vous habitent. Dès votre thèse, on trouve, si je ne m'abuse, à Bologne, un chapitre sur le temps, vous avez écrit plusieurs articles dans les années 80. Vous, à quel moment vous feriez remonter dans votre parcours personnel intellectuel des questions justement liées au temps? Ça remonte à quand, Carlo Rovelli? Ah, une vaste question. Peut-être, je sais pas. Peut-être j'avais 15 ans. J'étais à Paris, dans un château dans le sud de Paris, et une réunion des jeunes et un copain qui s'appelait Lionel était venu avec 3 pilules le soir. Donc on a passé la nuit, Lionel, moi et le troisième s'appelait Serge. Et là le temps s'est arrêté, c'était merveilleux. Il y a une nuit qui a duré une éternité. On a vu les maisons qui dansaient, les couleurs qui s'ouvraient, tout ça. Et le temps changeait profondément. Alors le matin, j'étais un peu... C'est une expérience psychédélique. Voilà, très, très psychédélique. Et les matins, j'étais frastorné, j'étais confus, je disais qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est l'hérité, qu'est-ce que le temps. Je pense qu'il y a quelque chose remonte jusqu'à là. Mais finalement, c'est 10 ans plus tard, à l'université, en tant qu'étudiant de physique, je suis tombé sur un travail d'un physicien anglais qui s'appelle Chris Isham, qui expliquait que pour comprendre les propriétés quantiques de la gravité, il faut repenser l'espace et le temps. Et que finalement, on n'a pas encore tout compris sur l'espace et le temps. Et ça m'a frappé. Et j'ai pensé, bah, c'est formidable, je veux étudier ça. On a 20 ans, on a plein de, on a envie de. Vous êtes allé rencontrer Chris Hachem d'ailleurs. Je suis allé le rencontrer, exactement. Quelques années plus tard, je suis allé le voir. Et je pense que l'objectif scientifique, intellectuel de ma vie était la gravité quantique, comprendre les propriétés quantiques de la gravité. Et pour faire ça, la réflexion sur la nature du temps a été toujours importante et finalement elle est encore. Vous diriez justement qu'à ce moment-là, quand vous lisez les travaux de Chris Hachem, qu'est-ce qui vous chiffonne le plus ? Est-ce que c'est précisément les quantas de temps ? C'est de dire qu'à haut niveau quantique, on ne perçoit plus le temps ou la perception du temps n'a plus de sens tel que nous on l'aperçoit intuitivement en tant qu'être humain. Quel est l'endroit qui vous interroge, qui vous chiffonne ? Alors, le point de départ, finalement, était très simple. Le point de départ, c'est que la première équation qui a été écrite, qui semblait être un bon point de départ pour faire la gravité quantique, ça a été écrite dans les années 60 par deux Américaines, John Wheeler et Bryce DeWitt, deux grands-pères de la gravité quantique. L'équation Wheeler-DeWitt. Et c'est l'équation de Wheeler-DeWitt qui a beaucoup de propriétés étonnantes, la plus étonnante de tout, qu'il n'y a pas de variable temps de tout dans cette équation. Et quand même, il semble que c'est l'équation nécessaire pour décrire la structure de base du monde. Et donc, du coup, on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire comprendre le monde sans une variable temporelle, si ensuite, comprendre le monde, ça veut dire comment il évolue dans le temps. Donc, cette absence du temps, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette absence du temps en gravité quantique, a été le point de départ. Et je pense que ce qu'on comprend, et ce qu'est finalement la thèse centrale de mon livre dans un certain sens, c'est que le temps n'est pas une notion unique. C'est une notion stratifiée, faite de couches l'une après l'autre. Et donc, pour comprendre la relation entre le temps ou l'absence de temps dans la théorie fondamentale et notre expérience du temps, il faut, comme vous dites, déconstruire, il faut séparer les couches les unes des autres et mettre chacune à sa place. Je sur cette question précisément du sens que peut avoir la notion de temps quand on descend à l'échelle quantique, j'ai lu, est-ce que c'est vrai, Carlo Rovelli, c'est une anecdote, mais je trouve ça amusant que vous aviez collé en décimale dans votre chambre la longueur de Planck, 10.33. Oui, c'est ça. Quand j'étais, je pense que c'est juste, peu après avoir lu cet article de Chris Hachem, j'avais décidé, c'est ça que je veux étudier, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe à ces échelles très très précises. Je veux arriver là. Et donc, j'avais pris un gros morceau de papier, j'avais écrit en rouge et jaune, 10-33, c'est la puissance de 10-33 centimètres, qui est l'échelle de Planck. Et c'était l'objectif de ma vie. Et bien, finalement, maintenant j'ai 60 ans, donc 40 ans sont passés, et j'ai passé ma vie chercher de courir derrière ces petites distances. C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, à ces échelles quantiques, effectivement, le plus rien ne se comporte, c'est-à-dire que le temps n'a vraiment plus de sens tel qu'on peut le comprendre à l'échelle relativiste ? Exactement. À ces échelles très petites, on perd presque tout ce qu'on considère comme propriété normale du temps. Alors, la façon la plus simple de la comprendre, c'est que ces échelles très petites, toutes quantiques, tout fluctue. Donc même les horloges fluctuent en avant et en arrière. Le temps va en avant et en arrière. C'est une nuage de temporalité. Plus précisément, dans notre intuition naturelle du temps, le temps passe, de passer vers le futur, est unique. Il y a un variable temps qui le mesure. Le temps est le même pour tout le monde, passe pour tout le monde à la même vitesse, etc. etc. Donc à toute cette propriété, presque rien de tout ça reste valable à petite échelle, à très petite échelle, dans ces domaines extrêmes. Le temps n'est pas unique, la différence du futur et passé n'est pas si forte du tout, etc. etc., etc. On perd presque tout, toutes les couches du temps. Je dis presque parce que cela ne veut pas dire qu'il faut penser au monde de la gravité quantique comme un monde sans temps dans le sens d'être figé, immobile, rien ne se passe. C'est tout au contraire. C'est un monde où tout se passe. nous comprenons le monde, la réalité, en termes de processus, d'événements, de changements, pas de être. de changements plus que de choses qui sont. C'est une intuition, c'est un nuage de choses qui se passent, qui ne peuvent pas être ordonnées dans un temps commun. Alors justement, on va pas revenir hein, sur la gravité quantique à boucle. Vous en avez déjà parlé à ce micro, même si vous n'étiez pas ici en studio. Vous étiez un de nos invités à plusieurs reprises dans l'émission. J'étais en duplex. Vous étiez en duplex. On va remettre les liens vers ces émissions sur le fil Twitter de l'émission. Mais peut-être tout de même expliquer comment, dans vos travaux autour de la quantification de la gravité, via ces réseaux de spin, via cette mousse de spin qui constitue le fondement de l'espace-temps tel que vous le définissez dans la gravité quantique à boucle, comment est-ce que autour de ça vous tournez tout le temps autour de cette question du temps, de ces quanta de temps, de se dire mais que devient finalement le temps quand on pense l'espace-temps, la nature même du réel en ces termes que vous définissez dans la gravitation quantique à boucle, Karl Rovelli? Ben je vous fais un exemple, c'est le genre de questions sur lesquelles on est en train de travailler maintenant à Marseille dans mon groupe de recherche. On se demande des choses très concrètes finalement, qui est qu'est-ce qui se passe au trou noir dans le futur, ou qu'est-ce qui se passe à quelque chose qui tombe dans un trou noir. Maintenant, de trous noirs, il y en a des millions dans le ciel, on les voit très bien, on les étudie, on voit des choses qui tombent dedans. Alors on les voit pas très bien, mais enfin on les devine très bien, on arrive à les... Des vignes très bien. D'accord. On est en train de construire un super télescope qui s'appelle Event Horizon Telescope, qui est un radiotélescope qui met en ligne ensemble tous les radiotélescopes de la Terre, beaucoup de radiotélescopes de la Terre. Et on s'attend dans quelques années de voir vraiment des images d'un petit disque noir qui serait le trou noir. Alors ça, on comprend bien, mais il y a une partie qu'on ne comprend pas du tout. La partie est qu'est-ce qui se passe dedans le trou noir et qu'est-ce qui se passe dans le futur du trou noir. Alors là, il faut la gravité quantique. Et nous avons des modèles de gravité quantique pour nous décrire qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe dedans, c'est qu'il y a une région dans laquelle l'espace et le temps sont mal définis. Justement, tout fluctue, mal défini. Donc il faut comprendre cette région qui est décrite par une équation qui est, je veux dire, la version moderne de l'équation de Willard-Hewitt, où il n'y a pas d'espace et de temps figé. Il faut comprendre comment elle influe sur le monde externe qui est bien décrit par le temps, et mettre tous les côtés ensemble. Donc lier le temps de notre expérience, de nos horloges, à ce monde quantique. Et pour vous dire, donner une impression de ce qui se passe, le modèle qu'on a, si je prends une étoile qui s'effondre sur soi-même et forme un trou noir, elle reste trou noir pour très longtemps. Après, il y a cette transition quantique, ça devient un trou blanc et va réexploser. Et entre la formation et l'explosion, peuvent passer facilement des milliards d'années. Si je tombe à l'intérieur... Donc au point de singularité, hein, c'est ça que vous définissez, le centre du trou noir. Le centre du trou noir, qui n'est pas un point, mais c'est une région petite. si je tombe, j'arrive là, je passe à travers cette région où le espace et le temps sont mal définis, je sors de l'autre côté, et tout le processus, qui dehors c'est des milliards d'années, dedans, ça peut être des millisecondes, des microsecondes. Donc vous voyez que le temps de notre expérience n'a plus rien à voir avec la description que nous donnons de ces phénomènes-là. Alors pour comprendre comment la mécanique quantique a modifié en profondeur la compréhension du temps physique, de Newton à Schrödinger en passant par Einstein, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, Karl Rovelli, effectivement, l'histoire et les grandes découvertes de la physique ont à chaque fois fait progresser cette conception, ou bouleverser en tout cas cette conception du temps, bien nous avons envoyé Antoine Beauchamp se faire quelques nœuds au cerveau. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on interroge les fondements physiques du temps, eh bien la philosophie n'est jamais très loin. Ouais, et pour démêler ces nœuds et comprendre les enjeux philosophiques de cette redéfinition du temps que propose la gravité quantique à boucle, je suis allé à la rencontre d'Alexis de Saint-Ours, qui est philosophe des sciences et qui s'intéresse de près aux problèmes que pose l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Il nous explique en quoi les différentes conceptions du temps qui s'offrent à nous, aussi bien dans le cadre de la relativité restreinte que de la relativité générale et de la mécanique quantique, et pourquoi physique et philosophie se rejoignent dans cette redéfinition du temps. La chose assez décisive en relativité restreinte, c'est le fait que l'on montre qu'il n'y a pas à dissocier d'un côté le temps et de l'autre côté l'espace. Dans la conception de la mécanique classique, on localise les objets dans un espace trois-dimensionnel, avec une longueur, une largeur et une hauteur, et indépendamment de cette localisation spatiale, on repère leur évolution au moyen d'un paramètre temporel. Ce que montre Albert Einstein en 1905, c'est qu'on ne peut pas considérer séparément d'un côté la localisation temporelle et de l'autre côté la localisation spatiale, et qu'il faut prendre en compte une localisation spatio-temporelle. C'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'espace-temps de la relativité restreinte est un espace-temps statique. L'espace de Newton était un espace statique. Alors qu'est-ce que ça signifie un espace statique ? Il y a une tradition plus philosophique qui parle de temps relationnel et de temps substantiel. Newton considère finalement que le temps et l'espace sont substantiels. Autrement dit, le temps et l'espace sont les contenants neutres de la localisation et du devenir. On dit, par exemple, couramment, les choses se déplacent dans l'espace et les choses évoluent dans le temps. Cette idée d'un espace et d'un temps comme contenant, c'est très très caractéristique de la physique newtonienne. En relativité, ce n'est plus l'espace tout seul qui est un contenant, ce n'est plus le temps tout seul qui est un contenant, c'est l'espace-temps. Autrement dit, Einstein unifie ensemble espace et temps, mais ça reste une structure statique, et pour le dire encore autrement, une structure indépendante des événements physiques à l'œuvre dans le monde. Autrement dit, aussi bien chez Newton que dans cette première conception de la relativité, on est encore dans une conception substantielle de l'espace et du temps. Et la grande nouveauté, la grande nouveauté d'un point de vue conceptuel de la relativité générale, donc en 1916, c'est de réaliser que l'espace-temps n'est pas un contenu inerte et qu'il y a une incidence des événements physiques sur la localisation spatiale et temporelle. J'ai pas dit le mot sur la mécanique quantique. Cette deuxième grande révolution de la physique au XXe siècle, elle a à nouveau une conception substantielle du temps. Il y a une équation, qui est l'équation de Schrödinger, qui utilise un temps qui est un paramètre externe, non dynamique. Et donc, on voit tout de suite que dès le début, au moins sur cet aspect de l'espace et du temps, ou en tout cas du temps, il y a une contradiction entre la mécanique quantique et la relativité générale. Parce que la mécanique quantique utilise un temps statique et, disons, la relativité générale fait référence à un espace-temps dynamique. Et donc, dès qu'on avait ces deux théories, la mécanique quantique et la relativité générale, on a cherché à les unifier. Pour des raisons expérimentales, mais aussi pour des raisons conceptuelles. Et voilà, à partir du moment où on a commencé à chercher cette unification, les problèmes ont commencé à se poser justement parce que ce sont deux théories qui donnent deux images du monde très très différentes l'une de l'autre. Les contradictions entre la mécanique quantique et la relativité générale ne sont pas uniquement au niveau de l'espace et du temps. Et donc, en fait, on peut dresser un tableau où on se rend compte qu'elles offrent vraiment deux représentations du monde assez radicalement opposées. Et donc, il y a eu plusieurs théories qui prétendent à l'unification. Celle qui a été à l'époque la plus connue, la plus étudiée, qui a été pendant très longtemps, disons, très à la mode, c'est la théorie des cordes et des supercordes. Et puis, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, voire même plus maintenant, depuis 30 ans, trois théoriciens, Abbé Achtekar, Lise Molin et Carlo Rovelli, ont élaboré une autre entreprise visant à unifier mécanique quantique et relativité générale, et c'est la gravité quantique à boucle. Et toujours sur cet aspect conceptuel lié à la question du temps, en gravité quantique à boucle, il y a parmi les toutes premières équations qui ont émergé, il y a l'équation de Wheeler-DeWitt. Et dans cette équation, il y a des choses tout à fait étonnantes. Ce sont des équations d'évolution, mais ce sont des équations d'évolution où il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de paramètre t. Quand vous regardez l'équation de Schrödinger, il y a un paramètre t qui intervient dans l'équation de Schrödinger. Quand vous regardez les lois de la mécanique classique, il y a un paramètre t qui intervient. Et bien là, c'est une équation d'évolution où il n'y a plus de paramètre temps. Quelles implications philosophiques ça peut avoir, cette nouvelle conception du temps, ou en tout cas cette nouvelle approche de cette notion-là ? Il faut faire une distinction, me semble-t-il, entre le temps et le changement. Il y a une ambiguïté dans la langue, il y a une ambiguïté en philosophie, il y a une ambiguïté à l'œuvre en physique entre le temps comme cadre du devenir et le temps comme changement ou le temps comme devenir. Eh bien, Rovelli affirme que finalement, ce que met en évidence la gravitation quantique, c'est cette disparition du temps comme cadre, c'est cette disparition du temps comme dimension, comme ce qui accueillerait de façon neutre l'ensemble des corps évoluant dans l'univers et juste un temps qui serait purement relationnel. Et vous, en tant que philosophe, comment vous vous emparez de cette conception-là du temps et du changement ? Les répercussions sur le champ philosophique, elles sont nombreuses. Elles sont d'abord sur cette idée qui questionne le temps comme contenant. Il y a eu un grand débat à l'époque de la relativité restreinte. Bergson écrit un livre qui s'appelle « Durée et simultanéité ». Et dans ce livre, Bergson entreprend une critique assez radicale de la théorie de la relativité restreinte et qui va causer tout un tas de controverses avec les physiciens. Bergson est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la représentation du temps en physique et qui a critiqué le temps comme milieu homogène, le temps ce qu'il appelait spatialisé, autrement dit du temps qui ne serait pas du changement véritable, mais une sorte de fantôme de l'espace. Et donc, philosophiquement parlant, il me semble qu'il y a une réhabilitation du temps comme changement dans l'optique qui est proposée par Carlo Rovelli et qui, justement, est bien plus proche des intuitions bergsoniennes que ce qu'on pouvait trouver avant ça. Voilà, la controverse Bergson-Einstein que nous avions tenté de reproduire ici même avec Étienne Klein et Elie Düring dans une autre émission. Donc on va vous mettre le lien instantanément sur notre fil Twitter. Une réaction, Carlo Rovelli, à ce reportage, à ce que vous venez d'entendre ? Chapeau Alexis, il a d'une clarté et d'une précision étonnante. Je partage tout ce qu'il a dit de façon... Je ne serais pas capable de parler si clairement comme lui. Bon, si, voyons. Ça veut dire en tout cas que vous êtes d'accord sur le fait que vos réflexions sur les quantas de temps, en tout cas sur la quantification du temps, vous rapprochent des intuitions de Bergson contre Einstein, donc ? Je ne connais pas très bien Bergson, j'ai lu ses écrits sur le temps. Je préférerais ne pas rentrer dans une réponse à Bergson, mais certainement sur le fait que la gravité quantique, je pense, nous oblige à renoncer à l'idée du temps dans le sens du cadre du conteneur du monde. Le temps l'espace-temps de la relativité générale. Voilà. Alexis centre exactement le problème et le dit très clairement. Cela ne veut pas dire que rien ne change, au contraire. Il faut séparer la notion de changement de la notion de ce temps newtonien. Ce temps changement qui n'est pas le conteneur, c'est pas nécessaire peut-être d'arriver à Bergson, parce que finalement c'est le temps d'Aristote, c'est le temps de Descartes, c'est le temps d'avant Newton. Quand Newton introduit le temps newtonien, il ajoute quelque chose à une notion de temporalité qui existait déjà et qui était très clairement expliquée dans la philosophie précédente. Et Newton, à bien lire le Principia, son grand livre, il ne dit pas que ça c'est une notion fausse ou inutile. Il dit qu'à côté de cette notion, qu'il appelle le temps d'Aristote, le temps commun, il dit vulgaire, il y en a un autre temps qui est le temps newtonien, le temps absolu, le temps conteneur. Et ce qu'Einstein comprend, c'est que ce 1915-16, c'est que ce temps conteneur, finalement, c'est le champ gravitationnel, c'est un objet dynamique, comme dit Alexis. Donc, une fois qu'on se rend compte que ce temps newtonien Einstein est quantifié, donc n'est pas continu et discret, probabiliste, on reste avec l'autre. On reste avec le temps relationnel, qui veut dire se situer par rapport au changement des choses. Le temps n'est pas une entité, il est cette relation de se situer par rapport aux choses qui changent. Le temps, c'est aujourd'hui, demain, le soleil qui fait un tour, un autre tour, un troisième tour. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. Fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round. The Fool on the Hill des Beatles à bientôt 16h30 sur France Culture. Nous recevons Carlo Rovelli pour son livre L'Ordre du Temps chez Flammarion. The Fool on the Hill n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Carlo Merci Rovelli. Merci beaucoup pour The Fool on the Hill. Extraordinaire Paul McCartney. J'en parle dans le livre. Et dans un certain sens, n'est-ce pas cette petite merveilleuse chanson une représentation du scientifique de la science meilleure, non? C'est le fou sur la colline qui voit le soleil qui descend lentement, et les yeux dans sa tête voient le monde qui tourne. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène, le soleil qui descend, et il y a le savoir qui semble folie absolue, qui réinterprète ça de façon complètement différente, et c'est pas le soleil qui descend, c'est le monde qui... Et je pense que nous avons tous eu cette expérience. Non, il y a un moment où on regarde le soleil couchant, et pour un moment on se dit, ah oui, mais finalement c'est pas le soleil qui bouge, c'est moi que je suis assis ici sur ce grand rocher, et c'est le rocher qui est en train de tourner, je vais en arrière, et on se sent presque bouger en arrière, et on a réinterprété le monde. On a réinterprété le monde dans une façon qui ne rentre pas la première vision inutile au fond, finalement on part du coucher de soleil quand même, mais on a une vision plus juste, plus correcte, plus large, plus puissante, qui nous permet de comprendre plus de choses. Donc ce fou sur la colline, c'est le scientifique. C'est Anaximandre un peu aussi. Et c'est Anaximandre, parce que finalement c'est lui qui a compris, par exemple, la Terre est ronde, qu'on peut aller de l'autre direction, etc. Et tout le livre, c'est le conte de la même chose qui se passe avec le temps. Nous avons une idée du temps intuitif, comme le soleil qui couche, et on apprend que c'est différent. On apprend que c'est différent et on cherche de se reformer une intuition différente sur le temps qui passe. Alors justement, reprenons ce parcours déconstructiviste, on va dire, qui est le vôtre dans ce livre. Justement, c'est toute la première partie du livre, hein, dans lequel vous prenez point par point, vous démolissez cette perception intuitive qui est la nôtre du temps, c'est-à-dire unitaire, directionnel, universel. Non, le temps n'est pas unitaire, n'est pas directionnel, n'est pas universel. Et tout ça, ça n'est pas tant vous qu'il dit de Carlo Rovelli, que la physique qui le dit depuis près d'un siècle. Oui, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, et c'est pas la physique non plus, c'est la nature qui l'a dit. C'est-à-dire, il faut faire une décision. C'est pas Einstein qui dit que les choses sont comme ça, d'accord? Einstein, c'est le type qui premier s'est aperçu que les choses pouvaient être comme ça. Ce n'est pas Copernic qui dit que la Terre tourne, c'est la Terre qui tourne. D'accord? C'est Copernic qui l'observe, qui s'en aperçoit, voilà, qui le pense. C'est le premier qui se rend compte que c'est mieux penser comme ça, même si c'est contre l'intuition. Alors, la première chose, le premier pas, peut-être le plus simple à comprendre, même si c'est très étonnant, c'est que le temps passe à des vitesses différentes dans des endroits différents. Le temps passe plus vite à la montagne et plus lente à côté de la mer. Plus on va en haut, plus le temps passe vite. Alors le phénomène est petit, mais c'est très réel. Aujourd'hui, on le mesure. Donc on n'a pas besoin d'Einstein. Ça suffit d'avoir des horloges précises. Et la raison pour laquelle on ne s'aperçoit pas, c'est seulement qu'ici, à côté de nous, l'effet est petit. Mais nous avons tous vu le film Interstellar où il y a l'héros qui va près d'un trou noir et revient et retrouve sa petite fille qui est plus vieille que lui. Donc pour la fillette, 60 ans sont passés et pour lui 3 ou 4 ans sont passés. Donc 3 ou 4 ans pour lui, 60 ans pour sa fille. Ça c'est pas du Hollywood, c'est pas de la science fiction, c'est la réalité des choses du monde. Dans le monde, le temps passe à des vitesses différentes, dans des endroits différents. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que vous faites le lien avec la gravitation. C'est-à-dire que finalement, voilà. Le temps passe plus vite là où la gravitation est plus forte. C'est-à-dire que nos pieds vieillissent plus vite que nos têtes. Nos pieds vieillissent plus vite que notre tête. Dans mon cours de relativité générale, je donne à mes étudiants de calculer l'âge de vos pieds par rapport à l'âge de vos cheveux. Et ils font le calcul, et ils arrivent, ils font le calcul juste. Et c'est même plus étonnant que ça, parce qu'une fois qu'on a compris ça à l'intérieur du cadre conceptuel qui suit ça, qui a été découvert par Einstein, on se rend compte que la raison pour laquelle les choses tombent, c'est ça. C'est-à-dire, dans un monde où le temps passe plus vite en haut qu'en bas, aller tout droit dans l'espace-temps, ça veut dire tomber. Donc on peut déduire la gravitation tout simplement à partir de ça. Là, il faut un peu de mathématiques, il faut un peu de calculs, mais finalement, ça suive. Voilà. Donc, le temps a perdu la première des couches de cet oignon qui est le temps, qui est l'idée que nous avons naturelle, que c'est le même temps pour tout le monde. L'unité du temps est déconstruite. Ensuite, il faut déconstruire le présent, qui aussi, vous dites, maintenant ne veut rien dire. Le présent, c'est une notion globale, locale, pardon, et pas globale. Globale. Locale et non pas globale. C'est-à-dire que le présent ne pourrait déjà ne pas être le même pour moi que pour vous, parce que nous sommes séparés de quelques mètres. Oui, voilà. Et ça, c'est un peu plus compliqué à l'expliquer. Dans le livre, je prends un peu plus de pages pour l'expliquer, même si ça aussi, ça a été découvert par Einstein, mais ça a été découvert par Einstein avant. C'est sa découverte de 1905, pas de 1905. La relativité restreinte. La relativité restreinte, exactement. Et finalement, Alexis l'a dit avec des mots assez clairs. Il a découvert que avant, on avait l'idée, le préjugé, que on pouvait se localiser dans l'espace. Et indépendamment de la collision de l'espace, se localiser dans le temps. Et finalement, ce n'est pas possible. Et on peut se localiser. Il y a un ici-maintenant. Il n'y a pas de maintenant dans l'univers. Alors, cela semble contredire notre expérience. Mais dans notre expérience, moi, je vous vois, vous me voyez, et je vous vois maintenant. Et vous me voyez maintenant. Donc, il y a un maintenant partagé entre nous. Comment c'est possible? Ben, c'est possible parce que finalement, on néglige le temps que la lumière prend aller de vous à moi. C'est quelques nanosecondes, c'est petit, on peut le négliger sans problème. Mais finalement, ce que je vois, c'est pas vous. C'est vous, il y a quelques nanosecondes dans le passé. Et ce que vous voyez, c'est pas moi. C'est moi, quelques nanosecondes dans le passé. Alors, quand on pense à grande distance, où on peut plus négliger. Ou même le soleil, hein, 8 minutes. 8 minutes, on prend le soleil. Quand on voit je dis tout ça, mais toujours imaginez qu'il y a, je sais pas, une étoile des neutrons qui arrive très vite de l'espace et arrache le soleil et l'enlève. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Rien pour 8 minutes. Parce qu'on continue à voir le soleil, parce que finalement, la lumière du soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Donc, à cause de ça, si on part de ça, et à la lumière de ce qu'on a appris en physique, on cherche quand même de définir une notion de simultanéité, de maintenant, pour quelque chose de distant, on n'y arrive pas. Et on peut le faire seulement à condition de la faire pas objective, pas la même pour tout le monde. On peut donner des définitions un peu arbitraires. Donc voilà, l'idée qu'il y a un maintenant dans l'univers est perdue. Et ça a des effets, des conséquences philosophique importante, parce qu'on a l'idée que ce qui est réel maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas du maintenant dans l'univers? Qu'est-ce que est réel dans l'univers? Ça ouvre plein de questions. Mais il faut Il faut faire face à la réalité du monde. La réalité du monde, c'est ça. Il n'y a pas de maintenant dans l'univers. Et l'autre grande déconstruction importante, c'est celle de la flèche directionnelle du temps. C'est le dire que pour nous, dans notre perception, le temps va du passé vers le futur en passant vers le présent, qu'une maison qui est déconstruite, qui est démolie, ne va pas se reconstruire, que ce temps est unidirectionnel. Or, ça aussi, ça ne tient pas à l'échelle de Planck. Ça ne tient pas à l'échelle, même avant l'échelle. Même avant l'échelle de Planck et l'échelle quantique. Voilà, c'est-à-dire ça ne tient pas du moment où on décrit tous les degrés de liberté du monde, toutes les positions de toutes les molécules de l'air. Et ça, c'était une surprise, parce que personne ne s'attendait à ça. Mais finalement, toutes celles-ci ont été des surprises étonnantes. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. C'est-à-dire, on a compris que à niveau de la grammaire élémentaire du monde, à niveau des équations qui décrivent le monde, le passé et le futur sont les mêmes. Il n'y a pas de différence entre le passé et le futur. Alors ça, c'est une contradiction éclatante avec notre expérience, où le futur et le passé sont complètement différents. Nous avons l'impression que le passé est figé, est fixé. Qu'il est derrière nous, qu'il est comptable, hein, qu'on peut le mesurer. Voilà, en tout cas, c'est ça. C'est, jusqu'au Big Bang, il y a 3,7 milliards d'années. Donc, et le futur, on ne sait pas, c'est ouvert, tout peut se passer. Il y a donc, plus de temps devant nous que derrière nous. Il y a plus de temps devant nous que derrière nous. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est ce que les théories actuelles nous disent aujourd'hui. Oui, mais cette différence, on ne la voit pas dans les équations fondamentales. Alors, d'où viennent cette différence? Pourquoi le futur est différent du passé? Pourquoi je me rappelle le passé, je ne me rappelle pas le futur? Ce n'est pas très clair. Et donc, dans le livre, j'utilise beaucoup de pages pour chercher de décrire ça avec plus précision possible, pour éclaircir ce qu'on comprend de ce qu'on ne comprend pas. Mais, encore une fois, à niveau fondamental, quand je regarde la mécanique du monde, la distinction entre passé et futur, pouf, est disparue. Donc on se trouve dans un monde déjà où la durée est différente dépend du moment où je suis. Il n'y a pas du présent universel, il n'y a pas de distinction entre passé et futur. C'est déjà un monde très différent. Ça commence à changer. Le temps commence à avoir un autre visage, en effet. Néanmoins, alors, si on réduit cela, ou on ramène plutôt que de le réduire au temps mathématique, le temps mathématique, depuis Galilée, il existe. Hein, c'est une variable qui s'appelle t qu'on utilise. Donc, ce temps-là, en tout cas, il sert bien à quantifier, à mathématiser le réel. Qu'est-ce qu'on fait de cette variable t, Carlo Rovelli, à partir du moment où... En relativité générale, donc dans la théorie d'Einstein, on a encore cette variable, mais ce n'est pas une variable indépendante qui, comme dans la théorie de Galilée, de Newton ou de Maxwell, mais c'est une intégrale compliquée du champ gravitationnel. Donc, c'est un aspect du champ gravitationnel. Ce sont comme, je sais pas, la longueur de cette chaise ou la couleur de cette... C'est quelque chose qui dépend de quelque chose d'autre, et donc qui n'est pas une quantité primaire fondamentale, c'est une quantité dérivée de quelque chose d'autre, du champ gravitationnel, qui est un peu comme le champ électrique, comme le champ magnétique. C'est un des ingrédients du monde. C'est la trame de l'espace-temps, ça fait partie. Oui, mais c'est un objet physique qui a sa propre dynamique, comme disait justement Alexis, qui finalement n'est pas très différent des champs électriques et magnétiques, n'est pas différent des choses matérielles du monde. Et là, on fait le saut, pour moi, crucial, ce qui m'a amené à toute cette longue réflexion, qui a des propriétés quantiques. Certainement des propriétés quantiques. Donc, c'est des quantas de temps. Oui, voilà. Donc, c'est discret, ça a des graines, on ne peut pas être divisé de façon arbitrairement petite, a des aspects probabilistes, peut le fluctuer, etc. Toutes ces étranges merveilles de la mécanique quantique qui s'appliquent pas seulement aux atomes, aux électrons, mais qui s'appliquent à la structure même de ce temps newtonienne, einsteinienne. Donc, ce qui reste de ce temps newtonienne, einsteinienne, c'est très peu finalement. C'est ces quantas fluctuants. Mais ce qui reste derrière tout ça, c'est la notion relationnelle aristotélienne du fait que les choses changent et on peut compter le changement de choses. Et ce comptage de changement de choses qui est local, partiel, arbitraire, on peut le changer dans un photon ou l'autre, c'est ça qu'on peut appeler le temps. Alors, ce qui est intéressant, Carlo Rovelli, c'est que vous dites effectivement qu'on peut réécrire à partir de ce postulat-là, qui se rapproche d'ailleurs de votre conception de la gravitation quantique à boucle, c'est-à-dire effectivement, on est sur le même type de structure. Oui. Vous dites qu'on peut supprimer la variable t des équations relativistes. Néanmoins, dans votre livre L'ordre du temps, il y a une équation tout de même que vous conservez parmi toutes les autres et qui est importante parce qu'on va en arriver à l'une de vos propositions sur cette conception du temps. C'est l'équation suivante, c'est delta s supérieur ou égal à zéro. Qu'est-ce que c'est que cette équation? Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour vous? C'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. C'est l'entropie. C'est l'équation qui dit que l'entropie peut seulement monter et ne peut pas décroître dans un système isolé. Ou rester égale, mais ne peut pas diminuer dans un système isolé. Pourquoi j'ai mis cette équation? Et pour moi, c'est une équation cruciale. Parce que si je pars de la structure de la gravité quantique où il n'y a pas de temps, je peux comprendre assez bien plein de choses de comment le temps de notre expérience émerge. Mais la partie que je comprends le moins de tout, c'est celle qui fait référence à cette équation. C'est la direction, plutôt. La différence entre le passé et le futur. Il y a une direction. Et ça, dans notre expérience, c'est évident qu'il y a une direction. Cette équation capture... Vous pouvez la rappeler quand même, cette seconde loi de la thermodynamique. C'est-à-dire que dans tout système, l'entropie... Vous pouvez juste en redire les termes. Dans tout système, l'entropie augmente. Alors l'entropie, c'est une quantité qu'on calcule. Et je vais vous dire dans un moment qu'est-ce que ça exprime. Et on s'aperçoit que on peut dans tous les phénomènes physiques, cette quantité augmente et jamais diminuée dans des conditions avec des hypothèses. Donc c'est la seule équation générale qui fait distinction entre le passé et le futur. Tout ce qu'il y a à voir entre distinction entre passé et futur, la raison pour laquelle on se rappelle le passé mais pas le futur, suivent de cette équation. Donc si on comprend cette équation, on a compris la différence entre passé et futur. Sauf que cette équation n'est pas une équation vraiment fondamentale. Est une équation qui émerge quand on a un grand nombre de particules et on donne une description approximative avec des variables macroscopiques d'un grand nombre de particules. Donc la différence entre passé et futur a à voir avec une description approximée, macroscopique, au lieu que microscopique, d'un grand nombre de variables. On comprend pourquoi... quand on a un grand nombre de variables, l'entropie augmente vers le futur, parce que finalement c'est assez simple de comprendre. La raison est que quand je mélange quelque chose, le désordre augmente et l'entropie. C'est les transferts d'énergie aussi. Hein. C'est les transferts d'énergie, ce qui fait que si on met un objet chaud et un objet froid au contact, la chaleur l'énergie va toujours passer du plus chaud au plus froid. Voilà. Et quand l'énergie passe du plus chaud au plus froid, on interprète ça. Comme mélanger. On peut le voir assez de façon intuitive. On a des molécules qui ne bougent pas, qui sont froides, et des molécules qui bougent beaucoup, qui sont chaudes. Les molécules qui bougent beaucoup donnent des coups aux autres, et finalement, tout bouge un peu. Et ça, c'est l'augmentation de l'entropie. Ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas pourquoi l'entropie augmente dans le futur, c'est pourquoi l'entropie n'augmente pas vers le passé. Parce que pour la même raison... vu une configuration, les équations devraient dire que la chose la plus probable, c'est que dans le passé, aussi l'entropie augmente. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Dans le passé, l'entropie était basse. Et pourquoi? Alors là, on ne sait pas. Et dans le livre, parce que dans le livre, une partie, je pars de ce qu'on sait sur le temps, une partie, je pars de où on est dans la recherche de la gravité quantique, mais je mets aussi... des réflexions personnelles, des hypothèses personnelles qui sont ma propre recherche sur lesquelles, je le dis clairement dans le livre, je ne suis pas sûr. Bien sûr. Je pense que ça pourrait être comme ça, mais je ne suis pas sûr. Alors là, j'ai une idée que cet effet, c'est un phénomène de perspective. Ce n'est pas le monde qui était dans un état particulier dans le passé, mais c'est la perspective que nous avons sur le monde qui est particulière, ce « nous » qui sont particuliers, pas le monde. Et que la basse entropie du passé doit être comprise, finalement, un peu comme Copernic a compris la rotation du ciel autour de nous. Ce n'est pas le ciel qui tourne, c'est nous qui sommes assis sur le rocher qui tourne. Non, Paul McCartney, le fou sur la colline. C'est ça. The Fool on the Hill. Et là, je pense que quelque chose de ce genre est en train de se passer. C'est-à-dire, nous sommes partie d'une partie du monde qui interagissent avec le reste, avec des variables macroscopiques, et nous ne sommes pas particuliers. Notre partie du monde, nous ne sommes pas génériques. Notre partie du monde n'est pas générique. C'est une partie particulière par rapport auquel les variables macroscopiques sont telles que l'entropie augmente. C'est une hypothèse, je la présente comme hypothèse, je suis un peu enamoré de cette idée. J'attends que la discussion continue pour voir si c'est vrai ou non. Mais alors, c'est amusant parce que ça crée un jeu de mots inévitable. Donc, c'est une hypothèse anthropique, pas ENTRO, mais ANTHROPIQUE. c'est le cas finalement. C'est une hypothèse anthropique, Carlo Rovelli, non? Oui. Entropie au sens de nous, de. Ouais. Anthropomorphique, si on veut. Anthropomorphique. Voilà. Moi, je ne pense pas que nous... Oui, la réponse est oui, mais avec des précisions. Je ne pense pas que nous sommes particuliers dans l'univers. Je ne pense pas du tout que l'univers est fait pour nous. Je ne pense pas du tout que nous avons un esprit qui sort de la nature. Je suis naturaliste et je pense que nous sommes partie de la nature. Mais... les parties de la nature sont l'une en contact avec les autres et influencent les unes les autres. Et il faut tenir compte de ça dans la description du monde. Il y a plein des aspects de la physique qui sont relationnels, même dans la physique élémentaire. Donc la vitesse de quelque chose n'est pas propriété de cette chose, c'est propriété de cette chose relativement à quelque chose d'autre. Un observateur, mais pas un observateur humain, à n'importe quel autre objet. Et la entropie, elle aussi... relationnel. L'entropie d'un gaz, c'est seulement, c'est défini par rapport à un autre système physique qui interagit avec le gaz à travers certaines variables macroscopiques. Donc c'est l'interaction qui définit ça. Donc cet aspect relationnel de l'entropie, je pense, doit être crucial pour comprendre l'origine de la deuxième loi de la thermodynamique et donc la différence entre le passé et le futur. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et bientôt 16h50, nous concluons cet entretien avec Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, ce qui est intéressant, c'est que pour l'une de vos explications, l'une des explications que vous avancez pour donner du sens tout de même à cette perception humaine du temps qui est celle que l'on a, c'est-à-dire cette perception unitaire, unidirectionnelle et globale, eh bien, vous dites que finalement, notre problème principal, ce problème de point de vue que vous explicitiez il y a un instant, ce serait finalement notre myopie, c'est-à-dire que nous évoluons finalement de façon beaucoup trop lente et que eh bien, nous avons un problème de vision, que toutes ces conceptions ou toute cette nature même du temps est finalement beaucoup trop fine pour que nous puissions l'appréhender intellectuellement. Oui, il faut toujours se rappeler que nous sommes morceaux de la nature. Nous avons un cerveau qui est très stupide par rapport à la complexité du monde. Nous comprenons ce que nous comprenons, qui est peu par rapport à la nature. Je pense que c'est pas seulement en physique, c'est dans toute la connaissance. Plus on apprend, plus on se rend compte des choses qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup, une énorme partie de la nature qu'on comprend pas. Mais là, c'est aussi plus spécifique, c'est-à-dire notre interaction avec le monde, c'est pas avec tous les variables du monde, c'est avec une partie très très très petite des variables du monde. Et je pense que c'est à cause de cette partialité de notre vision du monde que il y a des choses qui se passent. Et cette chose qui se passe ont à voir avec l'entropie et avec le sens du temps qui passe. Vous écrivez dans les dernières lignes, dans les conclusions de votre livre, le sens même de comprendre est obscur. Parce qu'effectivement, une fois qu'il n'existe plus de temps et qu'il n'existe plus d'espace, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Eh bien, vous le dites, hein, vous dites le sens même de comprendre est obscur. Nous voyons le monde et nous le décrivons. Nous lui donnons un ordre. Nous ne savons pas grand-chose de la relation complète entre ce que nous voyons du monde et le monde. Nous savons que notre vision est myope. Nous ne voyons qu'une toute petite fenêtre du vaste spectre électromagnétique émis par les choses, etc., etc. Nous savons beaucoup de choses sur le monde indépendamment de nous, sans connaître l'étendue de ce savoir. Est-ce que ça veut dire, Carlo Rovelli, que quand on en arrive à ce niveau de conception, ou finalement au contraire de constat de notre ignorance ou de notre incapacité à concevoir ou comprendre, eh bien le refuge, il doit se trouver en dehors de la physique, il doit se trouver dans la philosophie? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La philosophie est très intéressante. Et moi, j'ai toujours été très favorable pour un dialogue entre la physique et la philosophie, pas seulement entre la physique et la philosophie, entre toutes les disciplines humaines, mais pas parce qu'on ne comprend pas physique et alors on regarde la philosophie, parce qu'on a des façons différentes, des instruments différents, des instruments conceptuels différents, et on s'apprend des choses l'une ou l'autre. Et je pense de tous les côtés, on se rend compte de notre ignorance. Et moi, je crois que le savoir est intéressant quand c'est organique, quand ça devient cohérent dans une structure générale. Les grands physiciens ont toujours appris par les philosophes, et la philosophie meilleure a toujours appris par la science. Aujourd'hui, il y a des philosophes en France aussi qui parlent avec les physiciens. Je trouve que c'est la philosophie la meilleure. Et je pense aussi que les physiciens doivent écouter la philosophie. Mais non pas parce qu'on n'est pas capable de comprendre et alors on philosophe. Au contraire, parce que la philosophie nous aide à comprendre mieux, nous éclaircit. Le but est commun, construire une structure conceptuelle appropriée pour comprendre le monde. Voilà quelques notes que vous identifiez, Carlo Rovelli. Oui, c'est la fin du livre. Je parle... Une chose de laquelle je parle aussi du livre, c'est la musique. Parce que la musique a à voir avec le temps énormément, dans une façon profonde. Certaines des réflexions les plus utiles sur le temps remontent à Saint-Augustin, qui utilise la musique pour parler du temps. Parce que la musique se passe dans le temps, évidemment. Mais surtout parce que notre cerveau comprend la musique comme structure temporelle. Et Saint-Augustin se demandait comment, pourquoi. Et il arrive à comprendre que c'est la mémoire qui nous permet de penser au temps. Sinon, si on n'avait pas de mémoire, on n'aurait pas la notion de temps. Donc pour nous, le temps, c'est largement la mémoire, et la musique vit sur la mémoire. On se rappelle les notes précédentes, on anticipe les notes suivantes. Et le temps, c'est la musique, c'est le chant, dans un certain sens. Eh bien, en l'occurrence, c'est le Benedictus de la Missa Solemnis de Beethoven. Mais à 16h54, eh bien, c'est la fin de notre entretien, puisque, comme tous les jeudis, il est l'heure de retrouver la bibliothèque des sciences, hein, les grands ouvrages qui ont marqué l'histoire des sciences. Aujourd'hui, c'est Ami Dahan qui nous parle des preuves et réfutations d'Imre Lakatos. La bibliothèque des sciences. Il s'agit du livre de Imre Lakatos, Preuves et réfutations, essai sur la logique de la découverte mathématique, un livre qui a été publié en anglais en 1974 et traduit 10 ans plus tard en français. Donc, Imre Lakatos, c'est quelqu'un qui est né à Budapest en 1922, il est hongrois, il a été communiste, il a fait des études de mathématiques, en partie à Moscou, puis il a été interné à Budapest au début des années 50, et finalement en 56, au moment des événements, il a émigré d'abord à Vienne, puis à Londres, où là il a étudié la philosophie, il a eu un poste à la London School, et il est devenu un proche de Karl Popper. Donc ce livre, c'est un livre d'épistémologie des mathématiques assez nouveau dans son caractère, parce qu'on avait toujours l'habitude de séparer les mathématiques des sciences expérimentales et de dire qu'elles procédaient principalement de logique par la méthode axiomatico-déductive, elles allaient du vrai au vrai, et puis voilà. Et en fait, contrairement à tous les philosophes anciens, en particulier par exemple Bachelard ou même Popper, Lakatos affirme que les mathématiques ne sont pas un cas d'exception en matière de découverte. Et il montre que l'histoire des mathématiques s'est faite de controverses, de polémiques, et donc une démonstration, c'est une invitation à la controverse, au contre-exemple, etc. Et en particulier, les monstres mathématiques, qui sont des contre-exemples très, très biscornus et qui mettent en porte-à-faux, si on veut, des conceptions déjà établies, oblige à penser et à définir à nouveau frais les objets mathématiques, et c'est ça qui fait avancer la science mathématique. Donc dans ce livre, il va lui aussi adopter, comme par exemple Galilée ou d'autres très grands, la forme d'un dialogue. Là, c'est un dialogue un peu particulier, c'est un maître face à une classe d'élèves qui interviennent, qui proposent des objections, etc. Et le maître fait avancer les choses. Je donne un exemple de discussion pour donner un style de la vivacité du dialogue. Mais pourquoi accepter le contre-exemple ? Nous avons prouvé notre conjecture, maintenant c'est un théorème. J'admets qu'elle se heurte à ce prétendu contre-exemple. L'un ou l'autre doit céder. Mais pourquoi le théorème céderait-il alors qu'il a été prouvé ? C'est la critique qui doit battre en retraite car elle est truquée. Cette paire de cubes emboîtés n'est pas du tout un polyèdre. C'est un monstre, un cas pathologique, pas un contre-exemple. Donc on vient de découvrir le monstre. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui est très important dans ce livre, c'est la vivacité du développement des mathématiques. Et il aborde aussi le problème de l'enseignement des mathématiques. Il critique la présentation adoptée en général dans les manuels, où les théories sont présentées de manière achevée, parfaite, où tous les tâtonnements ont été gommés. Et pour lui, c'est évidemment très important pour la meilleure assimilation de ce qu'est les mathématiques et l'esprit de découverte, au contraire de comprendre les tâtonnements, les erreurs, les routes et les dédales de la voie mathématique. Voilà, c'était la Bibliothèque des Sciences, comme chaque jeudi à Bibliothèque des Sciences, que vous pouvez retrouver, ainsi que toutes les émissions sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Merci beaucoup à Carlo Rovelli qui a été notre invité tout au long de cette heure. Je vous rappelle L'Ordre du Temps, passionnant livre que je vous conseille, notamment si vous aimez les schémas avec des schtroumpfs, il y en a plein. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Carlo Rovelli d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez également, évidemment, si vous ne l'avez pas encore lu, lire les 7 brèves leçons de physique, le best-seller de Carlo Rovelli chez Odile Jacob, qui a été vendu déjà à plus d'un million d'exemplaires. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Sarah Hijmans, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique.